il n'y a pas de manière the Jewish people, the Jews, pour les Juifs and the Pharisees, et les Pharisiens and the Sadducees, et les Sadducéens would have had to receive the Holy Spirit, de pouvoir recevoir le Saint-Esprit if they did not embrace the new covenant of the grace of our Lord Jesus. S'ils n'embrassent pas la nouvelle alliance de la grâce du Seigneur Jésus. Because the Holy Spirit only came through the new covenant of the grace. Parce que le Saint-Esprit vient seulement à travers la nouvelle alliance de la grâce. Alléluia. Alléluia. So did Jesus imply? Est-ce que Jésus impliquait the Pharisees, les Pharisiens, the Sadducees, les Sadducéens and the Jewish people. Et le peuple juif? Alléluia. Alléluia. Let me bring it another level. Laissez-moi vous amener à un autre niveau. Who were these foolish virgins? Qui étaient ces vierges folles? Because the secret, parce que le secret will depend on your ability, va dépendre de votre capacité to receive revelation, à recevoir la révélation, as to be able to identify, comme étant capable d'identifier whom these foolish virgins were, qui sont ces vierges folles, who missed the kingdom of God, qui ont manqué le royaume de Dieu, that you may avoid being them, alors vous pourrez éviter d'être de celles-ci, so you may enter, alors vous pourrez entrer. Alléluia. Alléluia. And again, I've made it very clear here, et encore, j'ai médité très clairement ici. That it will not depend, mais ça ne va pas dépendre on your ability, de votre capacité to try to define, d'essayer de définir the five wise virgins, les cinq vierges folles. Now, let me bring it to another level. Maintenant, laissez-moi vous emmener à un autre niveau. Did the Lord Jesus, est-ce que le Seigneur Jésus imply, impliquait by the foolish virgins, did he imply, par les vierges folles, est-ce qu'il impliquait the church, l'Église that would reject him, qui l'a rejeté? Alléluia. Alléluia. There are several scenarios here you have to understand. Et il y a beaucoup de scénarios pour que vous puissiez comprendre. Remember, souvenez-vous that everything that was spoken about Israel, que tout ce dont il était parlé à propos d'Israël, alléluia, alléluia, even the rejection that Israel gave unto the Lord Jesus, et même la réjection que Israël a donnée au Seigneur Jésus, who is the cornerstone of Israel, by the way, qui est la pierre angulaire d'Israël, de cette manière, which rejection, ce rejet, led to the closure of the eastern gate of Jerusalem, conduit à la nous rapproche de la porte est de Jérusalem. And yet inside that gate, et maintenant à l'intérieur de cette porte, was the temple of the Lord, était le temple du Seigneur. And the eastern gate is closed, et la porte de l'est est près, facing the Mount of Olives where the rapture takes place, et en face du mont des Oliviers où l'enlèvement va prendre place. And from where the new visitation of the second coming will take place. Et de là, la nouvelle visitation de la deuxième venue va prendre place. We know that there is nothing the Lord God spoke to his wife. Vous savez qu'il n'y a rien que le Seigneur ait dit à son épouse. The wife of Jehovah Israel. L'épouse de Jéhovah Israël, that was not a prophecy, qui n'était pas une prophétie. He was speaking to the bride of Christ, the church. Il était en train de parler à l'épouse de Christ, l'Église. So by the foolish virgins, alors par les vierges folles, did the Lord imply the church, est-ce que le Seigneur impliquait l'Église, that would fail to recognize him, qui va manquer, qui va tomber, qui ne sera pas capable de le reconnaître, reject him, qu'il le rejette, or reject the Holy Spirit, ou rejette le Saint-Esprit, essentially, essentiellement, alléluia, alléluia. Who were these people the Lord referred to? À quelle sorte de gens le Seigneur se réfère-t-il? Let me bring it to another level. Laissez-moi vous amener à un autre niveau. Did the Lord Jesus Est-ce que le Seigneur Jésus imply impliquait that church, those of you cette église, ceux d'entre vous that received the anointing of the Holy Spirit qui ont reçu l'onction du Saint-Esprit and then lose it. Et ensuite l'ont perdu. Because we've seen such cases too. Parce que nous avons vu certains de ces cas. We've seen King Saul in the Bible. Nous avons vu le roi Saül dans la Bible. Anointed of the Lord. Oint par le Seigneur. And then because he falls out of the obedience of the Lord, the will of the Holy Spirit. Et après, parce qu'il s'est détourné de l'obéissance au Seigneur, de l'obéissance au Saint-Esprit, ça a été pour cause qu'il a perdu l'onction du Saint-Esprit. We've seen the temple of the Lord in Jerusalem. Nous avons vu que le temple du Seigneur à Jérusalem, during the time of Ezekiel, pendant le temps d'Ézéchiel, the glory of the Lord is in the temple. La gloire du Seigneur est présente dans le temple. But because of the fallout, mais parce qu'ils sont tombés, the glory of the Lord leaves the temple of the Lord. La gloire du Seigneur a quitté le temple du Seigneur. That's the anointing of the Holy Spirit. Ça, c'est l'onction du Saint-Esprit. Is somebody following me here? Est-ce que quelqu'un me suit là? Alléluia. Alléluia. We also see David, the precious servant of the Lord. Nous avons aussi vu David, le précieux serviteur du Seigneur. The man that the Lord Jehovah himself said, that is a man after my own heart. L'homme dont Jéhovah lui-même a dit, c'est un homme selon mon propre cœur. Remember, David was very special unto the Lord. Souvenez-vous, David était vraiment spécial pour le Seigneur. No wonder the Lord Jesus is said to come back and sit. Pas étonnant, le Seigneur Jésus, il est dit de revenir et de s'asseoir. He's coming back to sit on the throne of his father David. Sur le trône de son père David. David had the anointing as a prophet of God. David avait l'onction du prophète de Dieu. The Lord spoke with him at that time by voice. Le Seigneur a parlé, lui a parlé en ce temps par voix, de, audiblement. And visions and dreams. Et visions et rêves. As he speaks to his prophets. Comme il parlait à son prophète. David was also raised as a shepherd. A été aussi élevé comme berger, a pastor of the Lord's people, Israel. Pasteur du peuple du Seigneur en Israël. David was anointed in several capacities as a king. David a été oint dans plusieurs capacités comme roi. Many, many anointings. He had multiple anointings. Beaucoup, beaucoup onctions. Une multitude d'onctions. God loved him. Dieu l'aimait. But we see that when David falls to sexual sin, alors nous avons vu que quand David est tombé dans un péché sexuel, he loses the anointing of the Holy Spirit. Il a perdu l'onction du Saint-Esprit. Is this the group of people Jesus was implying? Est-ce que c'est ce groupe de gens que Jésus implique? When he spoke about the five foolish virgins, quand il l'a parlé à propos des cinq vierge folle, who did not carry the oil. Qui n'ont pas pris d'huile. We also see very clearly here, on voit aussi très clairement ici several cases in the Bible, plusieurs cas dans la Bible. Even Eli, même Élie. Eli was a priest ordained by the Lord. Élie était un prêtre ordonné par le Seigneur. Favored by the Lord, en faveur au Seigneur. Anointed of the Lord, oint par le Seigneur. So he operated under the influence of the Holy Spirit. Alors il opérait sous l'influence du Saint-Esprit. When he offered the blood, quand il a offert le sang, the glory came and sat on the mercy seat of the ark of the covenant. La gloire est venue et s'est assise sur le siège de miséricorde de l'arche de l'alliance. That means the Holy Spirit was with him. Ça signifie que le Saint-Esprit était avec lui. But when Eli is not able to rebuke sin, mais quand Eli n'a pas été capable de rejeter le péché, even the sexual sin that his sons were involved in, même le péché sexuel dans lequel ses fils s'était engagé. What do you see? Qu'est-ce que vous voyez? We see very clearly. Nous voyons très clairement that he loses the anointing of the Holy Spirit. Qu'il a perdu l'onction du Saint-Esprit. And the Ark of the Covenant. Et l'arche de l'alliance is taken away. A été mise ailleurs. It was Ashdod by the Philistines. À Ashdod chez les Philistins. He loses the anointing of the Lord. Il a perdu l'onction du Seigneur. Are these the people the Lord implied to? Est-ce que c'est cela les gens dont le Seigneur parle? Is this the group that Jesus was talking about? Est-ce que c'est le groupe dont Jésus a parlé? Symbolizing them. Les symbolisant. Even with the five foolish virgins. Même avec les cinq vierges folles. Who even up to the point of being able to hear the voice of the archangel. Ou même après avoir atteint le point de pouvoir entendre la voix de l'archange. Still did not enter into the rapture of the church. Encore ne sont pas entrés et n'ont pas été enlevés. Who are these people, somebody? Qui sont ces gens-là? There are several cases of servants of God losing the anointing of the Holy Spirit. Il y a plusieurs cas de serviteurs de Dieu perdant l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Who are these people that fail to enter? Qui sont ces gens qui ont manqué l'entrée? Even after they have heard the voice of the archangel. Même après avoir entendu la voix de l'archange. Because it will strictly depend. Parce que ça va dépendre strictement. On the ability of the church. Dans la capacité de l'Église. To use the wisdom, the anointing of the Holy Spirit, the revelation of the Holy Spirit. D'utiliser la sagesse, l'onction du Saint-Esprit, la révélation du Saint-Esprit. In defining this category. En définissant cette catégorie. That is what will allow the church entry into the rapture. Ça, c'est ce qui va permettre à l'Église d'entrer dans l'enlèvement. There are many cases in the Bible. Il y a beaucoup de cas dans la Bible. Of servants of God. De serviteurs de Dieu. Even the man of God from Judah. Même l'homme de Dieu de Judas. 1 Kings chapter 13. 2 Rois chapitre 13. The man that the Lord sent to speak to the altar when Jeroboam was the king. L'homme que le Seigneur a envoyé pour parler à l'autel quand Jéroboam était roi. 1 Kings 13. 1 Rois 13. And you see the Lord sent him and said. Et vous voyez, le Seigneur l'envoie et dit. When you go. Quand tu vas. And encounter the altar. Rencontrer l'autel. And I'm sure he saw it in a dream. Et je suis sûr qu'il a vu ça dans un rêve. I can tell you very clearly. I see every day. I see things. I see people. Je peux vous le dire très clairement. Je vois chaque jour. Je vois des choses. Je vois des gens. Even before I meet them. Même avant que je les rencontre. I see every event of the day. Je vois chaque événement de la journée. And this man of God must have also seen this event. Et cet homme de Dieu doit avoir vu ces événements. That when he went, he would meet Jeroboam at the altar. Et quand il est allé, il a rencontré Jéroboam à l'autel. Preparing to offer the defiling, the filthy sacrifice they were offering unto the altar. Se préparant à offrir le profané, l'immonde sacrifice qu'ils étaient en train d'offrir sur l'autel. In those high places. Dans cette place haute. And to speak to the altar, to speak to that altar. Et de parler à cet autel. And you see that when Jeroboam, the king, et vous voyez que quand Jéroboam, le roi, when the king said, apprehend him, quand le roi a dit appréhendez-le, get a hold of him, prenez-le, then the hand of the king remained dry. La main du roi est devenue sèche. Alléluia. Alléluia. There was so much power of the Holy Spirit. Il y a tellement de pouvoir dans le Saint-Esprit. With the man of God from Judah. Avec l'homme de Dieu de Judas. In 1 Kings 13. Dans 1 Roi 13. But look at this somebody. Mais regardez ça maintenant. After all that. Après tout ça. accomplishing the mission, ayant accompli sa mission, the Lord had initially spoken with him and told him, le Seigneur lui avait d'abord parlé et lui avait dit, on your way back, quand tu reviens, don't use the same route you have used. N'utilise pas la même route que tu as utilisée. And don't eat any bread or drink any water. Et ne mange aucun pain et ne bois aucune eau. That was the instruction, the command of the Lord. Ça, c'était les instructions, les commandements du Seigneur. But what do you see here? Et qu'est-ce que vous voyez ici? He uses a different route. Il a utilisé une route différente. And then an old prophet sends his servant. Et ensuite, un vieux prophète a envoyé son serviteur who lies to this young prophet, the man of God from Judah, pour mentir à ce jeune prophète, l'homme de Dieu de Juda. And the young prophet, the man of God from Judah, et le jeune prophète, l'homme de Dieu de Juda, goes and eats bread with the old prophet, va et mange du pain avec le vieux prophète. And in the process, when he goes back, et dans le procédé, quand il s'en va, the lion is able to devour him and kill him. Le lion est capable de le dévorer et de le tuer. And so you see the picture, very, very tough picture, et vous voyez l'image, une image très très dure, of the donkey standing here on one side of the road, de l'âne se tenant là dans un côté de la route, the dead body of the man of God from Judah is here on the road, et le corps mort de l'homme de Juda là sur la route, and the lion is standing on this side, et le lion qui se tient de l'autre côté. The lion is not able to attack the donkey. Le lion n'est pas capable d'attaquer l'âne. And the dead body is lying there. Et le corps mort est là, par terre. In fact, to bring it another level. En fait, pour vous amener à un autre niveau, the old prophet comes. Le vieux prophète est venu. The lion is still standing here. Le lion est encore là. The donkey is here. L'âne est là. And he pulls away the young prophet who has been killed. Et il a tiré ailleurs le jeune prophète qui a été tué. The man of God from Judah. L'homme de Dieu de Juda. And the lion cannot even attack. Et le lion ne peut même pas attaquer. Does not attack the old prophet who lied. Il n'a pas attaqué le vieux prophète qui a menti. To the man of God from Judah. À l'homme de Dieu de Juda. We know that the anointing of the Holy Spirit is the favor of the Lord. Nous savons que l'onction du Saint-Esprit est une faveur du Seigneur. That is what empowers the church. C'est ce qui rend de la puissance à l'Église. Empowers the Christian. Qui donne de la puissance aux chrétiens. Empowers the servants. Qui donne de la puissance aux serviteurs. Even protects the servants of God. Qui même protège les serviteurs de Dieu. As they are sent by the Lord. Qui sont envoyés par le Seigneur. So you can see very clearly. Alors vous pouvez voir très clairement. That the anointing of the Holy Spirit had left this man of God from Judah. Que l'onction du Saint-Esprit a quitté cet homme de Juda. Because of disobedience. À cause de sa désobéissance. Alléluia. Alléluia. So who were these people? Alors qui étaient ces gens? That the Lord Jesus talking about. À propos desquels le Seigneur Jésus parlait. You see that there is a real possibility here. Alors vous voyez, c'est une réelle possibilité ici. That he could have been talking about the anointed. Qu'il était en train de parler à propos de l'onction. Who lose the anointing. De ceux qui perdent leur onction. And it seems to me. Et ça me semble. That this loss of the anointing of the Holy Spirit. Que cette perte de l'onction du Saint-Esprit only takes place at the midnight hour. Prend place seulement après l'heure de minuit. At the peak season. Au moment parfait. When now the bridegroom is coming. Quand maintenant l'époux vient. Hallelujah. Hallelujah. I'm bringing you to the next level. Je veux vous amener au niveau prochain. Hallelujah. Hallelujah. Because we have seen. Auditeurs, nous avons vu that the remnant that enters into the rapture of the church is absolutely the remnant of the Lord. Que le restant qui va être enlevé, c'est absolument le restant du Seigneur. Even the word remnant is defined by the Lord himself. Le restant de la parole est défini par le Seigneur lui-même. This is what we're beginning to see even as this teaching is advancing. C'est ce que nous commençons à voir, même si cet enseignement est en train d'avancer. And progressing. Et de progresser. And again, I've spoken very clearly. Et encore, j'ai dit très clairement that it will depend on the ability of the church que ça va dépendre de la capacité de l'Église to be able to discern d'être capable de discerner and without a doubt identify et sans un doute identifier the five foolish virgins les cinq vierges folles that did not enter into the kingdom of God qui n'entreront pas dans le royaume de Dieu. And that out of there et en dehors de ça is the big gateway il y a une porte grande ouverte for the church to enter into the rapture. À l'Église d'entrer dans l'enlèvement because then she can avoid parce que là elle peut éviter that which the foolish virgins had ce que les vierges folles avaient so she can see the kingdom of God. Alors elle peut voir le royaume de Dieu. I want to move to the next level. Je vais vous emmener dans un autre niveau. Even as we look at this mighty, mighty conversation the Lord is having with the church. Même que nous voyons la puissante, puissante conversation que le Seigneur a avec l'Église. Regarding his perfect bride. Regardant son épouse parfaite. Now, one of the main things that stands out. Maintenant, quelle est la chose importante qui ressort? Is the fact that out of the church. C'est le fait que en dehors de l'Église. Those who receive revelation at that point in time. Ceux qui reçoivent la révélation à ce point dans le temps. That the wedding of the Lamb of God is near. Que le mariage de l'agneau de Dieu est prêt. That minority symbolized by the 10 virgins. Cette minorité symbolise les 10 vierges. Not 5, 10 virgins. Non pas 5, 10 vierges. Who pick up their lamps qui ont pris leur lampe and step out into the darkness et sont sortis dans les ténèbres. We've seen that that is the minority that steps out, the remnant that steps out. Vous voyez que c'est une minorité qui est sortie, un restant qui est sorti to go to wait on the bridegroom pour aller attendre l'époux. But one of the key things that we see clearly, which I want to address right now, une des choses clés que vous voyez clairement et que je vais adresser maintenant, and in much greater depth, et d'une manière beaucoup plus profonde, is the fact that they step out, c'est le fait qu'elles soient sorties, into the darkness, dans les ténèbres. What is the Lord speaking on that? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? What is the message to the church? À propos de ça, quel est le message à l'Église? Even as we elucidate, même que nous élucidons, we open up, unveil, nous ouvrons un voile, this mighty, mighty conversation, cette puissante, puissante conversation that marks the finality, qui marque la finalité of the process of preparations for the wedding of the Lamb of God. Du procédé de préparation du mariage de l'agneau de Dieu. Now, very clearly, maintenant, très clairement, I want to look at the darkness into which the virgins stepped out. J'aimerais voir à propos des vierges qui sont sorties dans les ténèbres. Now, the fact that there was darkness out, maintenant, le fait qu'il y avait des ténèbres dehors, definitely brought a necessity, définitivement, ont amené une nécessité into the virgins pour les vierges taking lamps to go out. De prendre une lampe pour sortir. Again, I rephrase it. Encore, je redis la phrase. The virgins needed the lamps burning. Les vierges avaient besoin d'une lampe qui brûle. Before they could step out and go wait for the chief bridegroom. Avant qu'elles sortent rencontre le chef époux who is the perfect Lamb of God, qui est le parfait agneau de Dieu who is Christ Jesus, the Messiah. Qui est Jésus-Christ le Messie. They needed lamps elles avaient besoin de lampes which were lit qui soit allumé. In order to go out, like the Bible says, vous savez que quand vous sortez, comme la Bible dit, so they could wait on the coming of the Lamb of God. Alors elles peuvent attendre la venue de l'agneau de Dieu. What is this darkness that was out there? Qu'est-ce que c'est ces ténèbres qui sont là dehors? And we see that when the Lord comes in the midnight hour, hallelujah. Et nous voyons que quand le Seigneur vient à l'heure de minuit, alléluia. In the heart of the darkness of the night. Au cœur des ténèbres de la nuit. In the midnight hour. À l'heure de minuit. He comes in the darkness. Il vient dans les ténèbres. So what is this darkness? Qu'est-ce que c'est ces ténèbres? Let us look at the darkness vis-à-vis the Lord and the virgins. Regardons à ces ténèbres vis-à-vis du Seigneur et des vierges. What is the Lord speaking to you as a church today? Qu'est-ce que le Seigneur vous dit en tant qu'église aujourd'hui? When he says they stepped out in the darkness. Quand il dit, elles sont sorties dans les ténèbres. Remember very well our Lord Jesus said, on se souvient très bien que le Seigneur Jésus a dit, I am the light of the world. Je suis la lumière du monde. So this darkness essentially speaks about, alors, ces ténèbres essentiellement parlent à propos the world. Du monde. It speaks about the sinful world. Parle à propos du monde de péché. And that essentially also, ça c'est aussi essentiellement, allows us to redefine, nous donne la permission de redéfinir, re-explain, de réexpliquer, the process of the virgins taking their lamps, le procédé des vierges qui prennent leurs lampes, and stepping out, et sortent, and even the purpose for which they stepped out with the lamps, et même l'intention avec laquelle elles sortent avec des lampes. Alléluia. Alléluia. We have seen several cases which we're going to handle. Nous avons vu beaucoup de cas avec lesquels nous allons traiter. Like in the book of Daniel, chapter 12, verses 2 to 3. Comme dans le livre de Daniel, chapitre 12, versets 2 à 3. When the Lord was speaking about the rapture and the rapture saints. Quand le Seigneur était en train de parler de l'enlèvement et de l'enlèvement des saints. And he said, and for those who are wise. Et il dit, pour ceux qui sont sages, they will shine like the brightness of the heavens. Ils veulent briller comme la lumière du ciel. And for those who lead many into righteousness. Et pour ceux qui conduisent beaucoup à la justice. Alléluia. Alléluia. Like the stars forever and ever. Comme des étoiles pour toujours et toujours. And you see very clearly, et vous voyez vraiment clairement, that there is a command there, qu'il y a un commandement ici. When it comes to the rapture, quand l'enlèvement arrive, the Lord was speaking of a commissioning statement, a commissioning of the church. Le Seigneur était en train de parler de la mise en œuvre d'une déclaration, de la mise en œuvre de l'Église. That's why you see that the 10 virgins, c'est pourquoi vous voyez que les 10 vierges, having received revelation, ont reçu une révélation, that the end time has come, que le temps est venu, and the wedding is going to happen very soon, et que le mariage est en train de venir vraiment très prochainement, that the bridegroom is going to appear very soon, que l'époux va apparaître très prochainement. They stepped out of the church. Elles sont sorties de l'église. Out, they went out. Elles sont sorties. Into the darkness. Dans les ténèbres. Into the world. Dans le monde. And so you begin to understand that they took the commissioning statement. Alors vous commencez à comprendre que elles ont pris la déclaration de mise en œuvre. They embodied it into their beings. Elles ont incarné ça dans leur être. Which means they wore it, they carried it. Que ça signifie qu'elles s'en sont vêtues, elles l'ont portée. Which tells you that they went out to evangelize the dark world. Ce qui vous dit qu'elles sont sorties pour évangéliser le monde de ténèbres. Alléluia. Alléluia. Again, you see very clearly here. Encore, vous voyez très clairement ici. That in the book of Daniel, it says. Que dans le livre de Daniel, il est dit. If you bring more, you evangelize more in these last days. Si vous apportez plus, si vous évangélisez plus dans ces derniers temps. You shine like the stars forever and ever. Vous allez briller comme les étoiles pour toujours et toujours. Alléluia. Alléluia. And those who are wise, I don't want to go into that now. Et celles qui sont sages, je n'irai pas à travers ceci maintenant. Wisdom. La sagesse. What is wisdom to the Lord? Qu'est-ce que c'est la sagesse pour le Seigneur? And later I'll explain the true identity of the wise virgins to you. Plus tard, je vais vous expliquer la véritable identité des vierges sages. And you see why Daniel said those who are wise will shine like the brightness of heaven. Ceux qui auront été sages brilleront comme la splendeur du ciel. The Bible in the book of Proverbs, chapter 1, verse 7 says. La Bible dans le livre des Proverbes, chapitre 1, verset 7 dit. The fear of the Lord. La crainte du Seigneur. Is the beginning of all wisdom. C'est le commencement de toute sagesse. So you see the context under which the Lord used the word wise. Et vous voyez le contexte dans lequel le Seigneur emploie le mot sage. And those who are wise. Et ceux qui sont sages. We shine like the brightness of the heavens. Ils vont briller dans la splendeur des cieux. But let's move step by step into this. Allons pas à pas à travers ceci. The world that we live in. Le monde dans lequel nous vivons is a dark world. C'est un monde de ténèbres. That is how the Lord characterizes the world. C'est comme ça que le Seigneur caractérise le monde. There is a lot of darkness in the world. Il y a beaucoup de ténèbres dans le monde. And there are several scriptures here. Et il y a beaucoup d'écritures ici that define the church qui définissent l'Église vis-à-vis the world. Vis-à-vis du monde. Whereby the world is in darkness. Lequel monde est dans les ténèbres. And the church. L'Église. Has the light. A la lumière. And again, like I said, our Lord Jesus said. Et encore, comme j'ai dit, le Seigneur Jésus a dit. I am the light of the world. Je suis la lumière du monde. Let's look very clearly here at the book of Micah, right from the Old Testament. Regardons très clairement dans le livre de Michée, juste dans l'Ancien Testament. Micah chapter 7. Michée chapitre 7. Verses 8 to 9. Versets 8 à 9. What does the Lord say about this darkness? Qu'est-ce que le Seigneur dit à propos de ces ténèbres? And the light that he brought us. Et la lumière qu'il a apportée. And he says. Et il dit. That this is the prophecy that was spoken about the darkness. C'est la prophétie qui a été dite à propos des ténèbres that the Lord speaks about. Dont le Seigneur parle. He says, "Do not gloat over me, my enemy." Il dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Though I have fallen, car je suis tombé, I will rise. Je me relèverai. Though I sit in darkness, the Lord will be my light. Si je suis assise dans les ténèbres, le Seigneur sera ma lumière. Again, verse 8, I repeat. Encore le verset 8, je répète. Do not gloat over me, my enemy. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Though I have fallen, car si je suis tombé, I will rise. Je me relèverai. Though I sit in darkness, si je suis assise dans les ténèbres, the Lord will be my light. Le Seigneur sera ma lumière. So that explains to you very clearly. Ça vous explique très clairement. What the Lord meant when he said, I am the light of the world. Quand, ce que le Seigneur pensait quand il a dit, je suis la lumière du monde. You see very clearly. Vous voyez très clairement. That is the light from which his people would tap from. Ça c'est la lumière que son peuple va recevoir. So they too can be the light of the world. Hallelujah. Ils la prennent et deviennent la lumière du monde. Hallelujah. And he still talks about the darkness. Et il parle encore des ténèbres. The people of the Lord sit in. Le peuple de Dieu est assis là-dedans. In. Verse 9 he says. Le verset 9 dit. Because I have sinned against him. Parce que j'ai péché contre lui. I will bear the Lord's wrath until he pleads my case. Je supporterai la colère de l'Éternel jusqu'à ce qu'ils défendent ma cause. And he continues to say, il continue de dire, and establishes my right. Et établisse mon droit. He will bring me out into the light. Il me conduira dehors à la lumière. And I will see his righteousness. Et je verrai sa justice. Isn't that amazing? Est-ce que ça n'est pas étonnant? You begin to understand. Vous commencez à comprendre. That when the Lord said he is the light of the world. Que quand le Seigneur a dit il est la lumière du monde. Essentially. Essentiellement, he implied, il implique that there is a darkness out there in the world, qu'il y a des ténèbres en dehors dans le monde. And that darkness carries wickedness and evil. Et ces ténèbres transportent la méchanceté et le mal. And so, he was urging us, il était en train de nous exhorter as his people, comme étant son peuple to make sure we seek the light, pour être sûr qu'on recherche la lumière, so we can be able to see the righteousness of the Lord. Alors nous pouvons être capables de voir la justice du Seigneur. Alléluia. Alléluia. So in other words, alors en d'autres mots, when the five wise virgins, quand les cinq vierges sages and the five foolish virgins, et les cinq vierges folles, received revelation of the coming of the Lord, that the Lord will come very soon in the rapture, qu'elles reçoivent la révélation de la venue du Seigneur, que le Seigneur va venir très soudainement dans l'enlèvement, into the wedding of the Lamb of God, pour le mariage de l'agneau de Dieu, and they lit up their lamps, et elles ont allumé leurs lampes, took the light, hallelujah, ont pris la lumière, alléluia, and they went out into the darkness. Elles sont allées dehors, dans les ténèbres. They essentially were emulating, elles étaient essentiellement émulées, taking up the command, prenant le commandement, so they too may bring forth the light of the Lord. Toutes les deux groupes apportent la lumière du Seigneur, that they have found, qu'elles ont trouvé, unto the dark world, au monde de ténèbres. So that speaks about the righteousness that they were supposed to reflect. Ça parle à propos de la justice qu'elles étaient supposées refléter. Alléluia. Alléluia. And that also brings into definition, et aussi ça apporte à la définition, into this picture, dans cette image, he that gave them the light, celui qui leur a donné la lumière, who lit their lamps, qui fait briller leurs lampes, so they would be able to bring into the dark world, alors elles vont être capables d'apporter dans le monde de ténèbres the light that only comes from the Lord, la seule lumière qui vient du Seigneur, because only the Lord, parce que seul le Seigneur, he is the light of the world, est la lumière du monde. Let us advance this very slowly. Alors, avançons vraiment lentement. In the book of Ezekiel, chapter 1, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 1, again, we are still talking about our Lord Jesus being the light of the world. Encore, nous sommes toujours en train de parler du Seigneur Jésus étant la lumière du monde. Ezekiel, chapter 1, Ézéchiel, chapitre 1, verse 27. This is what he says here, precious people. Verset 27, c'est ce qu'il dit ici, précieux peuple. Ezekiel was describing the throne around the Lord. Ézéchiel est en train de décrire le trône autour du Seigneur. When the Lord, he opened the eyes of Ezekiel, the prophet of God, quand le Seigneur a ouvert les yeux d'Ézéchiel, le prophète de Dieu, and Ezekiel was able to look and see, et Ézéchiel était capable de voir et d'observer the throne of God, le trône de Dieu. This is what he saw, just one verse, verse 27. C'est ce qu'il a vu, juste un verset, le verset 27. Ezekiel 1, 27, this is what he says. Ézéchiel 1, verset 27, c'est ce qu'il dit. He says, I saw that from what appeared to be his waist up. J'ai vu ce qui apparaissait depuis sa taille jusqu'en haut. He looked like glowing metal. Il ressemblait à du métal rougeoyant. As if full of fire. Comme plein de feu. And that from there down he looked like fire. Et depuis la forme de sa taille jusqu'en bas, je vis comme du feu. And brilliant light surrounded him. Et une lumière éclatante l'environnait. So you begin to understand. Alors vous commencez à comprendre. Why the Lord said. Pourquoi le Seigneur a dit. I am the light of the world. Je suis la lumière du monde. Because around the throne of God. Parce que autour du trône de Dieu. There is the brilliant light of the Lord. Il y a la lumière éclatante du Seigneur. And we are seeing very clearly here. Et nous avons vu très clairement ici that light que cette lumière is what allows his people, c'est ce qui permet à son peuple alléluia, to see the righteousness of the Lord. De voir la justice du Seigneur. And we know that the righteousness of the Lord, et nous savons que la justice du Seigneur is an absolute requirement, est une exigence absolue for the five wise virgins, pour les saintes vierges sages, even to enter into the kingdom of God. Même d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Vous voyez comment je suis en train de tirer ça au clair pour vous. So you may understand exactly why the virgins carried the lamps they carried. Et alors vous pourrez comprendre pourquoi les vierges portaient les lampes qu'elles portaient. They did not carry ornamental lamps. Elles ne portaient pas une lampe ornementale. I know in many homes you get some lamps which are very ornamental. Je sais que dans beaucoup de maisons, il y a des lampes d'ornement. Decorative purpose. Dans un propos de décoration, dans un but de décorer. This is not for decorative purpose. Ça n'est pas dans un but de décorer. They carried lamps. Elles ont porté des lampes. So the lamps would help them. Alors les lampes vont les aider. In the darkness of the world where they were heading to. Dans les ténèbres de ce monde dans lequel elles étaient en train d'entrer. So they can be the light of that world. Alors elles peuvent être la lumière de ce monde. Reflecting the light of the world that is our Lord Jesus. Réfléchissant la lumière du monde qui est notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. In other words, becoming the bearers of the light of the Lord in the dark world. En d'autres mots, elles deviennent les porteuses de la lumière du Seigneur dans le monde de ténèbres. Is somebody following me here? Est-ce que quelqu'un me suit ici? And we're going to get very deep here. This is an absolute mighty revelation to the church. Et nous allons être très profonds ici. C'est une profonde révélation à l'Église. So they may be able to be the bearers. Alors, elles peuvent être capables d'être les porteuses of the mighty light of the Lord, de la puissante lumière du Seigneur, who is the light of the world. Qui est la lumière du monde? So they too, alors, elles aussi may be the light of the world, peuvent être la lumière du monde in the darkness of the world. Dans les ténèbres de ce monde. But the light that they carried, mais la lumière qu'elles transportent, alléluia, alléluia, even by the lamps they carried, même à travers les lampes qu'elles portent, was not just for purposes of the dark world to see the light that was Christ in them. Ça n'était pas seulement dans le propos que le monde voit la lumière du Seigneur en elle. Alléluia. Alléluia. But was also for purposes. Mais c'était aussi dans le but of enabling them de les rendre capables to walk right, de marcher de la bonne manière within the darkness of the world. Dans les ténèbres de ce monde. Personal now, that they too may walk right. D'une manière personnelle, elles peuvent marcher de la bonne manière. And I'm going to walk you into every scripture. Et je vais vous emmener à travers chaque écriture that talks about every single element I've mentioned here. Qui parle à propos de chaque élément que j'ai mentionné ici. Which means there was going to be a process. Ce qui signifie que ça va être un procédé. Once they reach out in that darkness, quand elles arrivent dans ces ténèbres, in the process of waiting for the Lord, dans le procédé de l'attente du Seigneur, in the process of being on the watch out, dans le procédé de veiller, and this is the minority that steps out, et c'est une minorité qui sort, to go watch out, wait on the Lord, pour aller veiller, pour attendre le Seigneur. There would be a process. Il va y avoir un procédé. And as they go through that process, et comme elles vont à travers ce procédé, they don't want to stumble and fall. Elles ne désirent pas trébucher et tomber. Elles ont envie de voir les cailloux et mettre leurs pieds d'une bonne manière. Your lamp is a light unto my feet. Ta lampe, c'est une lumière à mes pieds. Alléluia. Alléluia. But let me walk you very slowly, step by step, so we may understand. Laissez-moi vous emmener très lentement, pas à pas, alors vous pouvez comprendre. Even how that light becomes a key feature. Et comment cette lumière devient une figure clé. In the process of waiting on the chief bridegroom. Dans le procédé d'attente du chef époux that is coming qui vient in the rapture of the church. Pour l'enlèvement de l'église. In fact, that is the most important feature. En fait, c'est la figure la plus importante that will eventually distinguish qui veut finalement distinguer the five foolish virgins les cinq vierges folles from the wise virgins des vierges sages. And vice versa. Et vice versa. Now the book of John chapter 1. L'évangile de Jean chapitre 1. Verses 1 to 5. Verset 1 à 5. Still talking about Christ, the light of the world. Parle encore de Christ, la lumière du monde. And once we understand the light that he brought. Et quand nous comprenons la lumière qu'il a apportée. Then we'll understand the quality of light. Alors vous allez comprendre la qualité de lumière that he was talking about dont il était en train de parler with the five wise virgins que les saints vierges sages were able to maintain étaient capables de maintenir. So they could be first of all alors elles peuvent être premièrement distinguished from the light that the five foolish virgins were given, était en train de distinguer de la lumière que les vierges folles étaient en train de donner. Alléluia. Alléluia. Number two. Nombre deux. That you may understand. Alors vous pouvez comprendre. The quality of life. La qualité de lumière. That the five wise virgins were carrying. Que les saints vierges sages étaient en train de porter. That was able to bring quality into their waiting process. Était capable d'apporter la qualité dans l'attente, le procédé d'attente. Alléluia. Alléluia. So they may be able to enter the kingdom of God. Comme ça, elles étaient capables d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Again. Encore. Understanding. Comprenant. The nature of the Lord as the light of the world. La nature du Seigneur étant la lumière du monde. Will enable us. Va nous rendre capables. Also to understand. De comprendre aussi. The quality of life. La qualité de vie. The distinction between the quality of life. La distinction entre la qualité de vie. That the wise virgins had. Que les vierges sages avaient compared to the quality of life, comparé à la qualité de vie that the foolish virgins had, que les vierges folles avaient. Alléluia. Alléluia. Which quality of light, quelle qualité de lumière enables the wise virgins, rend les vierges sages capables to be able d'être capable to perform even in the last moment, the peak hour, de performer même au dernier moment, à l'heure de pointe, when everything's shut in, quand toute chose prend place, the anxiety, the fear that you see in very soon, l'anxiété, la peur que vous voyez là très soudainement, when finally the announcement has been made, quand finalement l'annoncement a été fait, and all the other lamps are going low, they're dying, they're extinguishing, et toutes les autres lampes s'éteignent, se meurent, faiblissent, they are going dim, elles deviennent faibles. Yet the quality of light, maintenant, la qualité de lumière that the five wise virgins had, que les saints vierges sages avaient, in fact, en fait, went up and up from one level of glory to the next, sont montés et montés d'une gloire à la suivante, thereby enabling them, ce qui les rendait capables, to perform at peak time the last days, au moment crucial, le dernier jour, alléluia, alléluia, and to enter, et d'entrer, into the wedding banquet, dans le banquet de noces, of the Lamb of God, de l'agneau de Dieu. Now we are working on the mechanics. Maintenant, nous sommes en train de travailler dans le mécanisme of the process that allows the remnant church to enter, dans le procédé qui permet l'Église restante d'entrer into the wedding of the Lamb of God, dans le mariage de l'agneau de Dieu. And that's why I said, c'est pourquoi j'ai dit, I'm going to dissect it for you, je vais le disséquer pour vous, such that no stone, de sorte que aucune pierre will be left unturned, ne sera retournée. And such that, et tel que, at the end of this session, à la fin de cette session, it will be clear without a speck of a doubt, sans la pointe d'un doute, what you ought to do, ce que vous aurez à faire, so you can enter, pour que vous puissiez entrer, into the kingdom of God, dans le royaume de Dieu. And I'm bringing this to you, et je vous apporte ça, very much aware, très au courant, of the fact that every letter of every word written in this book, the Bible, que chaque lettre de chaque mot de ce livre, la Bible, will be fulfilled, sera accompli, on that day, en ce jour. So it's absolutely important, alors c'est très important, that we understand, que nous comprenions, that the King of Wisdom, que le roi de la sagesse, our Lord, notre Seigneur, when he spoke these things, quand il dit ces choses, these are things that have a lot of revelation, sont des choses qui ont une très grande révélation, embedded underneath, et cachées en dessous, thereby requiring the wisdom of the Holy Spirit, ce qui requiert la sagesse du Saint-Esprit. So we may be able to understand, alors vous devenez capable de comprendre, for purposes of entering into the kingdom of God, les objectifs pour entrer dans le royaume de Dieu. But again, we see very clearly here, et encore, nous voyons très clairement ici, that therefore, que par conséquent, the lamp was necessary because there was darkness out. La lampe était nécessaire parce qu'il y avait des ténèbres dehors. And the lamp was necessary because it's a commissioning statement that was spoken. Et la lampe était nécessaire à cause de la déclaration qui avait été faite. To the remnant that now steps out to wait on the bridegroom. Au restant qui maintenant sort pour attendre l'époux. That for those who will lead many into the righteousness of the Lord. Car ceux qui conduiront beaucoup dans la justice du Seigneur, they will shine like the stars forever and ever, brilleront comme des étoiles pour toujours et toujours, on the day of the rapture, le jour de l'enlèvement. At the same time, dans le même moment, we see that the light that the 10 virgins carried, nous voyons que la lumière que les 10 vierges portaient had to have a certain quality, avait à avoir une certaine qualité, so they too may not stumble and fall, pour qu'elles ne puissent pas trébucher et tomber, which light, whose quality would allow them to see the rocks, une lumière d'une qualité qui va leur permettre de voir les rocs, and the little stones even as they are walking along this path, pendant qu'elles sont en train de marcher dans cet endroit. In the darkness of the world. Dans les ténèbres du monde. And are waiting for the coming of the bridegroom. Et sont en train d'attendre la venue de l'époux. So they may enter having not fallen. Alors elles peuvent entrer sans être tombées. Alléluia. Alléluia. Which quality of light, I repeat, quelle qualité de lumière, je répète, would be able to withstand sera capable de supporter the heavy storms, les lourdes pierres of the midnight hour, the heavy winds that were going to come at the midnight hour, les violents vents qui va venir à l'heure de minuit, when all the other lamps would be extinguished, où toutes les autres lampes s'éteindront, and dying and dimming out, et mourront et diminueront, so they would still be able to perform and enter. Alors elles vont être encore capables d'entrer. Alléluia. Alléluia.